الأول ودليل ثم عندك يا رياض الأصل الثاني ودليل ثم عفوا انت سوي سلام نعم ثم هارون الأصل الثالث ودليله وأنت يا محمد الأصل الرابع ودليله. Donc là on a vu quatre bases ou quatre fondements parmi les fondements de l'islam. Le premier c'est le plus simple, tu t'en es bien sorti hier la semaine. Je m'en sors bien. Hein? La première base c'est quoi? Al-Ikhlas. Hein? Ikhlas al-Din lillahi azza wa jal. Le fait de vouer un culte sincère et exclusif à Allah azza wa jal. طيب c'est quoi la preuve de ce fondement? Le verset de sourate Al-Baqarah et d'autres hein. Naam, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit selon une traduction approximative il ne leur a été ordonné que de vouer un culte sincère à Allah azza wa jal. Naam. Wa le deuxième fondement est un khana riyad. Et de ne pas se diviser. Le fait de s'unir. Non, non. Voilà. Al-Ijtima. Voilà. Tout le monde va aller dans le Ta'a. Il va aller là. Pour le Rabbi. Ah, bah, c'est un. Très bien. Donc, le deuxième fondement, hein, n'est autre que l'union. L'union des musulmans, le fait d'être unis, cela fait partie des fondements de l'islam. Est-ce que tu as un dalil, Riyad? Je ne connais pas le verset, mais. Je ne sais pas. Accrochez-vous tous sur. Eh, non, mu'tasimu bihablillahi jami'an, wa la tafarraqu. Ahsant, ahsant. Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon une traduction approximative et accrochez-vous tous ensemble au lien d'Allah azza wa jal et ne vous divisez pas. Naam. Wal aslu al-thalith at-ta'a li wulat al-umur. At-ta'a, le fait d'obéir au gouverneur. Et de ne pas sortir ou de ne pas se révolter contre eux, du moment qu'ils sont musulmans. Naam. Wa dalil. Ahsant. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Obéissez à Allah et obéissez à son messager ainsi que à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Non, à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Taïl. Wal asru rabi' ya Mohamed. Rabah, c'est la critique des loges. Non, yani. Qui sont les gens de science? Voilà, c'est ma'rifat al-ilm wa al-ulama wa al-fiqh wa al-fuqaha. Hein, c'est le fait de connaître qu'est-ce que la science et qui sont les savants. Et comme on l'a évoqué, ça revient à la connaissance de la critique et de l'éloge. Naam. Oud-dalil ma'indak. Ma'indak. Je ne sais pas si ça englobe tout. Taïb, et dans quel sens ce serait un délit pour ce as? Le fait que Allah a élevé les gens parmi les gens qui ont cru et ceux qui ont réussi la science au niveau de ça montre les vertus de la science et des gens de science. Là. لا بس ايش عندك يا عرب قول معاذ بن جبل عند موته ان غير الايمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما هذا حديث هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان العلم والايمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما طيب ومن اي ناحيه دوكل ça serait un dalil pour cette base de quel sens parce que il a utilisé un hadith qui dit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui recherche la science et la foi les trouvera et là nous on voit un dalil qui nous montre que c'est une base, le fait de connaître la science et les savants. Hein? Les ayats qu'il a évoqués de Surat Al-Baqara, min Ya Bani Israël, adkhulu ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni wa oufu bi'ahdi, oufi bi'ahdikum. إلى الآية الأخرى الذي قال فيه وإني فضلتكم على العالمين تمام من هنا إلى هناك كلها دليل على هذا الأصل لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يبين لكم الله سبحانه وتعالى dans ces versets de سورة البقرة il vous montre que certes il a fait descendre la science c'est quoi la science? C'est la révélation d'Allah Azzawajal. Là, il a pris l'exemple des Yahoud et qui leur a fait descendre une science à travers la Torah. Et malgré tout, ils ont pris cette science-là, mais ils ont vendu ces versets. Et ils n'ont pas œuvré avec ce qu'il y avait dans cette science-là, avec ce qu'il y avait dans cette révélation. Donc eux, on ne pourra pas les considérer comme des savants malgré qu'ils ont reçu la révélation. T'as vu ? Donc là, dans ces versets-là, ça c'est un istimbat, c'est la réflexion de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré dans ces versets-là qu'est-ce que la science. La science, c'est ce qui vient de lui, ou ce qui vient de l'un de ses messagers. Ça, c'est la science, haqiqatan. Et c'est qui les ulama? Ce sont ceux qui apprennent cette science, l'enseignent et la mettent en pratique. Tamam? Naam. فهذا مهم جدا وأظن ما كملنا هذا الأصل كملنا ولا كملنا طيب والأصل الخامس بيان الله سبحانه وتعالى لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشابهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. Donc le cinquième fondement parmi les fondements de l'islam, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a clairement expliqué, c'est-à-dire dans son Coran ou dans la Sunna du prophète alayhi salatu wa salam, qui sont les alliés, qui sont ses alliés, qui sont réellement ses alliés. Et il a fermement établi une différence entre eux et ceux qui essayent de s'y apparencier, mais qui ne font pas partie des alliés d'Allah. Bien au contraire, ils font partie de ses ennemis. Tamam. Wa kadhalik muhimmun jiddan. Et ça aussi, c'est très très important parce que tu vois beaucoup de awam, comme ils ne connaissent pas ce genre de fondement, eux, ils pensent du bien de tout un chacun de la communauté. Même le sorcier, il fait de la sorcellerie devant eux, ils vont dire non, il est à la khair. Ils vont penser du bien de lui. Eux, il suffit que, par exemple, ils voient quelqu'un qui vole dans le ciel et ils disent oh non, lui, c'est un allié d'Allah. Ou Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite à une quelconque créature un miracle, ça y est pour eux. Lui, si Allah il lui a facilité ce miracle-là, c'est forcément un allié d'Allah. Alors qu'en vérité, c'est pas comme ça. Même si tu vois quelqu'un, il vole devant toi, il vole dans le ciel, c'est pas une preuve et c'est pas un certificat de sa piété. L'imam al-Shafi'i dit que même si il voyait quelqu'un voler devant lui, il ne dirait jamais que c'est un allié d'Allah Azzawajal jusqu'à ce qu'il mette dans la balance ses œuvres. Jusqu'à ce qu'il mette dans la balance du kitab et de la sunna les œuvres de cette personne. Si les œuvres de cette personne sont en accord avec le kitab et la sunna, c'est-à-dire avec le Coran et la sunna du prophète, alors on pourra dire que c'est un wali d'Allah Azzawajal. Mais si ses œuvres sont contraires à cela, alors cela, jamais il sera qualifié comme étant ou comme faisant partie des alliés d'Allah Azzawajal. Et ça, en vérité, ce asl-là, c'est vraiment un rad, une réfutation aux soufis, en premier lieu. Parce que les soufis, parmi leurs croyances, c'est que si ils arrivent à accomplir un quelconque miracle par la volonté d'Allah Azzawajal, ça prouve leur honorabilité chez Allah Azzawajal. Et donc, après, ils ordonnent aux gens de leur vouer une certaine forme d'adoration. Pourtant, Al-Masih Dajjal, lui, il va venir avec des... Naam. Ahsan, t'es Othman. Le Masih Dajjal. Pourtant, c'est pas un allié, mais... Naam. Et à la mithal al-sabil wa ahsan, jazakallahu khairan, le Messie al-Dajjal. Al-Dajjal, qui est connu dans toutes les religions. Hein? L'antéchrist, il a été évoqué dans la Bible, dans l'Évangile, dans la Torah, et il est évoqué aussi dans la Sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc cet homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala va accorder énormément de miracles, bien que ce soit des miracles impressionnants et extraordinaires, cela ne fait pas de lui un allié d'Allah, bien au contraire, il fait partie de l'une des plus grandes fitnas par lesquelles Allah va éprouver les gens de la terre. Donc l'insan, en vérité, il n'est pas surpris. Même s'il voit quelqu'un qui vole devant lui, même s'il voit quelqu'un qui avale du feu ou autre, parmi les miracles, lui, ce qui l'importe, c'est est-ce que cette personne-là, elle œuvre avec le Coran et la Sunna. Si elle œuvre avec le Coran et la Sunna, alors véritablement, on pourra le considérer comme étant un allié d'Allah Azza wa Jal. طيب. قال ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران. وهي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم. Ils disent, et il suffit en cela, c'est-à-dire pour s'appuyer, on peut s'appuyer sur la parole d'Allah Azza wa Jal qui dit dans sourate Ali Imran, dis au Muhammad, si vous aimez véritablement Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Et ça, c'est... comment ils l'ont appelé les ulama? Ayat al-imtihan ou al-muwazana ou... Les savants, ils ont appelé ce verset, ils l'ont nommé comme étant le verset de la balance. Si on veut savoir vraiment quel est notre amour d'Allah Azza wa Jal, eh bien qu'on voit, on peut le mesurer en fonction de comment on œuvre. Si vraiment on aime Allah Azza wa Jal, on suit le prophète alayhi salatu wassalam à la harf, à la lettre. Et en fonction de notre amour d'Allah Azza wa Jal, ou en fonction de notre suivi, alors on connaîtra notre véritable amour pour Allah Azza wa Jal. وفي الحقيقة يا أخي يا إخوان هذه الآية جدير بالتأمل، جدير بالتدبر والتفكر. Ça c'est une آية qu'on devrait tous méditer. لما تقع في معصية من المعاصي اذكر هذه الآية. Lorsque tu tombes dans un péché parmi les péchés, rappelle-toi de ce verset-là. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. Enfin, si véritablement tu aimes Allah Azza wa Jal, cet amour-là, il doit se voir dans tes œuvres, dans tes paroles, dans ta croyance, dans ton comportement. Et comment il se voit? Si tes œuvres et tes paroles et ton comportement, ils sont conformes à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Naam. Avec certains frères qui suivent avec moi le tafsir de Surat al-Baqarah, on a vu, on est passé par un ayah qui est azim. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ. Au début de la sourate al-Baqarah, Allah il évoque les sifas, les attributs, les caractéristiques des muttaqin. Et parmi ces caractéristiques-là, le fait que ces gens-là soient sûrs et une certitude de l'au-delà. Et une certitude en l'au-delà. Comme on a dit, l'au-delà c'est tout ce qui est après la mort. Et le fait d'avoir cette certitude-là, elle t'amène à suivre le prophète alayhi salatu wassalam ala harf. Ala harf. Et elle t'éloigne des ma'asi, petit soit-il ou petit ou grand soit-il. Non. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Le jour où leurs mains témoigneront contre eux, ainsi que leur langue, ainsi que leurs jambes, tout va témoigner. طيب, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit que la main elle va témoigner, est-ce que c'est une métaphore? Ou est-ce que la main, elle va avoir une bouche qui va parler? Ya Othman, la question est à toi. Hein? Ah, il y a un autre Othman dans le coin, là. Bouna, il n'est pas là. Ah, non, il n'est pas là. Hein? Allah a'lam, hein? Haroun. Merci, dans ce rapport. يقول قالوا أنتقنا الله الذي أنتقى كل شيء قل كيفية الله أعلم. نعم. C'est-à-dire elle aura une bouche. Hein? Ils vont parler. Les membres, ils vont parler d'eux-mêmes. Hein? Les membres, ils vont parler d'eux-mêmes. Et c'est venu, cela est venu dans un hadith. نعم. Donc la personne qui sait ça, elle se conforme au suivi du prophète alayhi salatu wassalam, et en vérité il trouve dans le suivi du prophète alayhi salatu wassalam un apaisement. À la kulli hal, pour revenir sur ce que a dit le cheikh, donc pour affirmer ce asl, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala il a clairement montré dans son livre ainsi que selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wasallam qui sont ses alliés, il s'appuie sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Al-Aya. وَآيَةٌ نعم. وَآيَةٍ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عزة على الكافرين ووصف يعني et donc dans ce verset de sourate, le verset 54, le précédent verset c'était le verset de sourate Al-Imran, le verset 31. Et là ce verset, c'est d'ailleurs de sourate Al-Ma'idah, c'est le verset 54 où Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ô vous qui croyez, celui qui apostasie, qui sort, qui revient sur sa religion, فسوف يأتي الله بقوم. Alors certes Allah peut venir avec un autre peuple. والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. أليس كذلك؟ Allah سبحانه وتعالى il est capable sur toute chose. أليس كذلك؟ بلى. نعم. Faut pas dire نعم. Quand tu dis Allah أليس كذلك, tu dis بلى. نعم. طيب يا هارون. سؤال. Est-ce qu'Allah سبحانه وتعالى il est capable de créer un autre, est-ce qu'il est capable de créer une divinité comme lui? Non. On a dit Allah qadir ala kulli shay ou la? Donc là, est-ce qu'Allah il est capable de créer Allah, un autre? Soual. Ça c'est des soual, yani. Moi je les évoque là. مع اننا سندرس في العقيده يعني وقتا طويلا وهذه سي دي مسائل qui sont évoquées dans certains kutub. Non, elle est pas répondre là. Non, mais oui, non, mais non. Par rapport à ce que tu as dit, toi tu parles de par rapport aux fausses divinités. T'as vu, moi ça me fait peur déjà même de poser des questions comme ça. C'est-à-dire, si t'as compris ce que je viens de dire, alhamdulillah. C'est des questions chadines. Tu vois, en fait, j'ai pas envie de les répéter. J'espère que vous avez compris en fait. Tu vois, j'espère que vous avez compris. C'est pas, en fait, moi, pourquoi je vous donne cette explication, enfin cette explication là, parce que ça peut vous venir des certains philosophes, parce qu'en fait, c'est venu de leur côté. Ce genre de questions. Ah, mais si vous dites qu'Allah il est capable de toute chose, ça veut dire qu'Allah il est capable de. Et pourquoi? Ça veut dire qu'Allah il est capable de faire de moi un ange. Ça veut dire qu'Allah il est capable de faire de moi un prophète. Il peut me donner la. Ou plein de choses. Ils sont venus avec plein de questions. Que le moumine en vérité, il n'a pas besoin de se poser des questions là, parce que lui il croit. Il croit en Allah, il croit en ce qui lui a été révélé, il s'arrête sur cela. En fait, c'est des questions qui sont pointues, je crois. Ça veut dire, soit tu as reçu quelque chose, tu vois ça, soit tu as vu la mas'ala quelque part. Si tu ne l'as pas vue, dis Allah alam. Il est capable, mais après, par sa sagesse ou quoi, tu vois, c'est comme se dire, est-ce qu'Allah est capable d'être juste? Il l'est, mais c'est pas bien, c'est pas bien, c'est comme ça. En vérité, ça, c'est des trucs, comme j'ai dit, en fait, la réponse, c'est quoi? C'est que quand on dit Allah qadir ala kulli shay, Allah, il est capable sur toute chose, on exclut toutes les choses qui sont mustahil, toutes les choses qui sont impossibles, qui peuvent pas être, tu sais, qui sont, ça peut s'imaginer vraiment dans le réel, mais ça, c'est impossible. Tamam. Ça, la, en fait, la qudra d'Allah Azza wa Jal, nous, on la met pas dans une chose, ou on l'évoque pas dans une chose qui est impossible. Tamam, qui est mustahil. C'est des choses, yani, Allah wahid, fa lan nadhhab wa natashattat. Naam. Et même le donc Cheikh al-Islam il a répondu au philosophe Wahal al-Kalam Biada. Cheikh al-Islam il a répondu par cela en leur disant que nous la qudra d'Allah on la mesure pas avec des choses qui sont mustahil, des choses qui ça même dans nos têtes c'est, ça rentre pas, on n'arrive pas à le, tu vois, on n'arrive pas à le, donc khalas. الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر. بعدين كيف؟ تو سي الله سي البرومي الدغني. كومون تو سا بو سي مستحيل سا ان فيت ميم تون سيرفو يل اريف با اتاندر سيت كومبرهنسيون. على كل حال سيتي جوست اون باب من باب الفائدة. طيب. دونك لا دون سو فيرسي il dit, ya ayyuhalladhina, selon une traduction approximative, Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh vous qui avez cru, ne n'apostasiez pas de votre religion. Car certes, Allah peut vous remplacer ou peut venir avec un autre peuple qui l'aimera et que eux l'aimeront. Hein? Des gens qui sont simples et humbles envers les croyants et qui sont pleins de izza, qui sont pleins de izza, de fierté face aux mécréants. بقية الآية معروفة لكم والآية في سورة يونس وهي قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Et ça en vérité c'est vraiment le dalil du chapitre, c'est vraiment ce dalil là qui prouve ou qui montre qui sont les alliés d'Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il dit et certes les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala n'auront sur eux nulle crainte ni de tristesse. Ceux qui étaient pleins de crainte, ceux qui croyaient et qui étaient pleins de crainte. طيب يا عبد الملك selon ce verset là c'est qui les alliés d'Allah? Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. C'est qui les alliés d'Allah? Là c'est clair, là il a expliqué qui sont les alliés d'Allah véritablement, les véritables alliés d'Allah. Ah Mahmoud, ceux qui croient et qui ont la crainte d'Allah Azza wa Jal. Ah, si tu vois quelqu'un, il fait du sihr. Si tu vois quelqu'un, مثلاً, il tourne autour des tombes, il adore autre qu'Allah, il sacrifie pour autre qu'Allah, fahada, même s'il vole, même s'il fait descendre, ou il donne un ordre et la pluie, elle descend, lui, ça ne sera jamais un allié d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que ses œuvres contredisent ce qu'il prétend. Non. ثم صار الأمر عند الله أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم. نعم. Et ça, c'est plus à l'époque de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il dit que... Et ensuite, après que Allah subhanahu wa ta'ala, ou après que la communauté musulmane ait navigué sur ce fondement pendant des siècles et des siècles, on est arrivé dans un temps où l'affaire s'est mélangée, hein, où s'est retournée. Jusqu'à ce que la plupart des gens qui prétendent avoir de la science et être des guides pour les gens évoquent qu'il est obligatoire, d'ailleurs ces gens-là qui prétendent avoir de la science, maintenant ils disent qu'il est obligatoire ou il est impératif de délaisser le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Et que celui qui ne laisse pas le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il ne fera pas partie d'eux. Wala budda min tark al jihad falaysa minhum. Wala budda min tark al iman wa taqwa faman ta'ahada bil iman wa taqwa falaysa minhum. Ya rabbana nas'al Allah nas'aluka al afw wal afiyah innaka sami'u ad du'a. Donc al-muhim, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que à l'époque de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, les gens ils ont inversé les rôles et ils ont changé les fondements de l'islam. Pour eux à l'époque, c'est-à-dire plutôt à l'époque des salafs, un wali d'Allah Azzawajal, ma'rouf. Quelqu'un qui est considéré comme un wali, c'était connu. C'est quelqu'un, un dévot, quelqu'un qui adore Allah Azzawajal, quelqu'un qui a de la science, quelqu'un qui œuvre avec sa science. Mais malheureusement, à l'époque du Cheikh Ibn Abdul Wahhab, et encore plus à notre époque, les gens, ils voient que les alliés d'Allah, ça y est, une fois que peut-être ils portent le qamis, ça y est, c'est un allié d'Allah, même si, probablement, yashrab al-khamr, yasma al-aghani, ou shay min dhalik. Eux, du moment qu'ils portent le qamis, ça y est, c'est un allié d'Allah. C'est pas comme ça. Naam. Il y a là, kana ma'ad al-ulama, yagouloun, kullun tashrahuhu da'wata. Chacun d'entre nous, en fait, ses œuvres vont expliquer yani qui il est. Ses œuvres. Ou sa da'wa, son prêche. Naam. على كل حال يعني on passe à l'autre asr hein. C'est quoi l'autre asr? Je peux pas t'aider. Parce que j'ai envie de terminer ce livre là aujourd'hui comme ça inchallah le dars la semaine prochaine on rentrera dans